cadeau est prêt. C'est pas étanche, mais c'est la teuf. Le radeau est prêt. On avait le radeau avec des coffres, des portes du bois, même une torche. On flotte vers l'avenir ou l'échec, mais on a mis le sang à donf à leur pec. Le radeau de la bringue flotte pas droit, mais l'ambiance grimpe. Rider skill, en capitaine bourré, le loup coule, mais la vibe est sacrée. Le radeau est prêt.